Regarde ailleurs. Regarde ailleurs. Regarde ailleurs. Regarde ailleurs. Regarde ailleurs. Regarde ailleurs. Partageons les couleurs et les différences. Voir, entendre, sentir, toucher. Regarde ailleurs, partageons les couleurs et les différences. Le voyage, chemin le plus court pour se découvrir soi. Le voyage, chemin le plus court pour se découvrir soi. Partir vers Saint-Jacques-de-Compostelle est une aventure sur les chemins de la vie, de la spiritualité et de l'histoire façonnée d'expériences et d'épreuves. Il s'agit de ne jamais perdre de vue que les chemins menant vers Compostelle sont avant tout des routes de pèlerinage pratiquées par de cheminants partis, quelle que soit leur motivation, pour un voyage au long cours. Ici j'hallucine parce que c'est au milieu de nulle part, dans la montagne, et je me rends compte qu'il y a plein de monde. Mais oui, c'est complètement dément en fait. Ouais, donc Saint-Jean-Pied-de-Port, c'est quoi? C'est une grande ville? C'est un village? Non, on est 1500 habitants. Ensuite, on a quand même donc, des lycées, des écoles publiques, des maternelles, des collèges, privés ou pas privés, et qui double, si tu veux, la population. On est à peu près 3000 individus. Et combien de pèlerins par an? Oui, après, alors les pèlerins, bon, ça c'est... Les gens qui font le pèlerinage. Voilà, c'est ça. Je suis arrivé, je t'ai dit, il y a beaucoup de pèlerins chez toi. Tu m'as dit, il y a très peu de pèlerins, mais il y a beaucoup de gens sur le chemin. Voilà. Mais un pèlerin, il y en a peu. Hein. Le pèlerin d'autrefois, c'était quelqu'un qui faisait le chemin, mais bon, avec une quête spirituelle, une quête religieuse. Souvent, mais j'en doute, des gens qui étaient, bon, si tu veux, avec un côté humble, hein, qui prenaient ce qu'on leur offrait, parce qu'à l'époque, le pèlerinage, je pense que les gens qui le faisaient étaient accueillis. Le vrai mot accueilli, c'est être accueilli. Il n'y avait pas le côté mercantile, si tu veux, où tu ne payais pas. Bon, maintenant, vous êtes très nombreux, effectivement. Il y a eu, si tu veux, des gens qui ont commencé. Donc, en plus, nous, on n'est pas loin de l'accueil officiel donc, de Saint-Jacques-de-Compostelle. On est dans une belle rue, la plus belle rue, ma rue, comme je dis. Et donc, il y en a qui se sont mis donc, à accueillir les pèlerins. Donc, vous étiez peu au début. Maintenant, c'est devenu très à la mode. Il suffit qu'il y ait un best-seller qui sort dans un pays et on voit tout le pays qui arrive. D'autres ne le font pas, mais moi, j'accueille tout le monde. Voilà. Il n'y a pas d'étiquette. Si tu es touriste hein, ou si tu es en voiture, à pied, à cheval, handicapé... Tout le monde est accueilli chez moi. Bon, après, condition pèlerin, bien entendu, c'est pas l'hôtel. Hein. Comme j'ai dit il n'y a pas longtemps, un Français qui m'a dit « Ouais, mais 10 euros et je peux que dormir et me laver et aller aux toilettes. Mais moi, je voudrais utiliser votre cuisine. Je voudrais un petit déjeuner. » Je dis « Mais pour 10 euros, non. C'est pas un 4 étoiles. Il n'y a qu'une étoile ici, c'est moi. » Pour moi, il y a donc le monde entier. Moi, tu te rends compte, je vis dans le trou du cul du monde, comme les gens disent. On a l'impression que, pour certains, pour Paris surtout, on est des arriérés, on est des paysans. J'accueille le monde entier chez moi. Bon, ça déjà, je trouve que c'est une grande richesse pour moi, pour mon fils aussi, ça l'a été. Mais après, je me dis que le monde entier, c'est aussi des gens qui sont comme ici. C'est-à-dire que moi, je suis, depuis quelques années, je commence à être de plus en plus déçue parce que le chemin bon, est emprunté par tout le monde et tout le monde y a droit, hein, avec tout ce qu'ils ont envie. Mais je suis déçue parce que dans le chemin, je retrouve des gens, ce n'est pas des nationalités que je retrouve, ce sont des individus qui sont comme ici et comme partout, c'est-à-dire les respectueux et les non respectueux. Bon camino. Il y a des moments, eh bien, on rigolait pas. Eh. Ah ouais, tu sais, on est. Puis bon, t'as la rencontre, c'est vachement important. T'as la rencontre avec les autres. Que le soir où tu discutes avec des gens et puis que tu rencontres, puis tu tombes sur des types ou des femmes qui sont extraordinaires. Puis tu sais, dans ce genre de truc, t'as beaucoup de cabossés, tu sais, qui ont leur vie un peu. Voilà. Et donc. Ça, c'est quelque chose de Tu vois, quand tu parles, quand tu racontes, c'est quelque chose d'extraordinaire. C'est la richesse du chemin aussi, hein. Ouais, c'est le côté introspectif. Et puis tu rencontres des gens que jamais tu aurais eu l'occasion de rencontrer. Tu sais même pas ce qu'ils ont fait de leur vie, tu vois. Tu vois, mais et puis personne. C'est pas important. Non, ça n'a aucune importance, tu vois. Bon, chacun raconte ce qu'il a envie de raconter, hein, même si des fois ça emmerde l'autre, mais ça fait rien. Bon, c'est. Ça c'est quelque chose de... Tu ne peux le vivre que dans ces circonstances. La phrase, c'est même si les chemins sont différents, tous les hommes sont sur la voie. Mais la voie aussi avec X, parce que c'est l'échange. Voilà. C'est pas que la voie avec eux. Et tu verras que la voie avec X, elle est encore plus éphémère. Parle-moi de Compostelle il y a 10, 20, 30 ans. Non, 30 ans, je ne pourrais pas te dire, hein, parce qu'il y a 30 ans, je ne savais même pas que ça allait exister. Ça existait déjà, ce chemin, il y a 30 ans. Oui, mais il y a 30 ans, on a eu la pionnière, quand même, qui est Madame de Bril. C'était une femme très pittoresque, hein, une femme avec un caractère extraordinaire, un mauvais caractère aussi, mais qui accueillait quoi, les 100 pèlerins par an. Mais à l'époque, si tu veux, c'était pas le pèlerinage de Compostelle. Tout le monde en fait un côté mercantile. C'est vrai que c'est un business économique, hein. Je crache pas dessus, ça me fait vivre, hein. Voilà. Moi, quand j'ai commencé à louer mon propre lit. Donc deux personnes. La seule personne qui a dormi par terre, c'est moi. Voilà, les quatre jeunes, ils voulaient qu'il y ait un cinquième qui dorme par terre. J'ai dit non. Il est allé dormir ailleurs, bon. Mais c'est un côté éthique pour moi, hein. Mais il y en a qui s'imaginent qu'ils vont gagner des millions. Et en fait, si tu veux, dans la rue, avant, on était à peu près 40 lits. Maintenant, on doit être à peu près 200. C'est comme on dit, c'est le fameux miam miam dodo, là, tu vois. Miam miam dodo. Là, tu vois, ça c'est une escroquerie monumentale. Hein. Alors, dans miam miam, ça marche, là. Ouais. Dans miam miam dodo, il y a deux choses de vraies. Hein. Hein, donc, la date de l'édition, 2012, hein, et le prix. Tout le reste est faux. Je vais t'expliquer un truc, tu vois, par exemple. Okay. Tu vois, pour aller vite, Ponferrada. Ponferrada, tu vois. Si tu veux, le Pékin moyen, là, le Pékin moyen, on va donc le faire arriver par là, tu vois. Hein. Il va arriver là de Manila Seca, là, tu vois. Hein, on lui fait voir l'ermitage de Saint-Roch, tout le bazar. Et il arrive ici. Et alors, il arrive ici, tu vois. Alors là, on va l'amener à Campo, parce que là, il y a une épicerie, tu comprends. Non, mais c'est ça, c'est aller à Saint-Jacques-de-Compostelle. C'est pas de visiter les auberges, ni d'aller engraisser les épiceries à droite et à gauche. J'ai reçu des gens en même temps, il y a un jour des Croates et des Serbes, des Libanais, du Guatemala, du Sénégal, Allemands, il y en a, Italiens. Ça fait partie des pèlerins presque traditionnels, hein. Français, espagnol, américain. Après, bon, c'est vrai que depuis, on va dire 3 ans, il y a énormément de Coréens. Alors, tous les pèlerins, ils ont tous des ordinateurs ou des iPads. Des iPads, ouais, voilà. Donc, avec des grands écrans, voilà, ils sont super contents. Bon. En fait, ils continuent à mener la consommation avec eux. Moi, je sais que j'ai envie de le faire, le chemin. Je vais partir donc avec un sac de 4 kilos et je vais partir pieds nus. Mais je vais prévoir les chaussures, hein, quand même. Ben, aujourd'hui, écoute, tu vois, tous les jours, là, c'est tous les pays que tu vois sur la portière, tous les pays qui sont déjà passés en l'espace de 15 jours. Ah, donc en fait, tous les jours, tu effaces Le bleu, j'efface. Tu effaces le bleu, tu laisses les gens. Le noir, les pays, ça reste. Et tu vois, et chaque fois qu'il y a un nouveau pays qui arrive, je continue jusqu'en bas. Ici, bon, je sais que il n'y a pas grand-chose comme autant de monde, parce que sur la France et sur Germanie ou sur l'Espagne, il me faut beaucoup de place. Mais autrement, les autres pays, comme le Maluku... Hein, t'as alors, Birmanie, t'as la Birmanie qui est passée dans les 15 jours. Oui, Birmanie, Hong Kong, Maluku, c'est les îles Moluques, Colombie, Pérou, Uruguay, New Zealand, Finlande. Hier, j'ai eu 5, Nouvelle-Zélande, voilà. Ah, ouais. Ça qui est intéressant, c'est que c'est le monde entier qui passe. Et donc, cette année, j'ai eu quand même Biélorussie. Ouais. C'est rare. Lituanie. Lituanie, aujourd'hui. Bulgarie. Voilà. Tchèque. Et après, South Africa aussi, tiens. Ça, par contre, l'hémisphère sud est très représenté. South Africa, Nouvelle-Zélande, Australie. Bon, le plus, c'est les Français quand même. Ouais. Les Français, les Espagnols. Et après, là, t'as sur le côté, tu as le bonjour du monde entier. Voilà. Okay. Je demande à chaque nouveau pays. Ça, c'est bonjour en Libanais. Après, tu as ici... En japonais. En Japan, ça c'est Konnichiwa. Konnichiwa. Et après, Annyeonghaseyo. Et après, Egunon, ça c'est en basque. Hein. Donc ça y est, tu as appris toutes les langues du monde, là. Ben, écoute, ça fait toujours plaisir quand un pèlerin qui arrive d'un pays lointain et tu lui dis bonjour dans sa langue. Hola. Hola. Where are you from? Barcelona. Barcelona. You start from Barcelona? Ça va, not too tired? Eh? Not tired? Allez. Plutôt qu'il y a une évolution depuis 2007, où on ne rencontre plus les mêmes gens, plus les mêmes raisons. Après, je les respecte toutes. Hein. J'ai rencontré des mamans qui venaient donc avec les cendres de leur fils. Marie-Antoinette, une Canadienne. J'ai connu un jeune qui faisait le chemin pour se séparer de sa mère. Mais ce chemin lui permettait une séparation définitive, parce que sa mère était alcoolique. Parce qu'il y a plein de gens qui partent avec un sac à dos, mais rempli d'histoires, rempli de problèmes psychologiques, rempli de souffrances, et qui attendent du chemin des réponses. Je pense que dans le chemin, justement, comme tu rencontres beaucoup de gens, tu n'as plus le temps de te retrouver. Regarde ailleurs. Regarde ailleurs. Regarde ailleurs. Regarde ailleurs. Le voyage, chemin le plus court pour se découvrir soi. Alors, pèlerin, est-ce que c'est des pèlerins qui passent ici? Qu'est-ce que c'est qu'un pèlerin pour toi? Un pèlerin, eh bien, écoute, ça c'est très objectif. Je trouve pèlerin pour moi, c'est quelqu'un qui prend son chemin, qui prend sa besace, qui part sur le Camino Santiago. Et qui croit à ce qu'il fait, tu vois. Qui prend le chemin, pas seulement, je m'en vais faire une petite randonnée. Non, le pèlerinage, c'est aussi à la rencontre d'autres personnes. C'est ça qui est important. Discuter avec d'autres personnes. Et je trouve qu'après, il y a beaucoup de personnes qui pensent que le pèlerinage, c'est religieux. Et je leur dis, c'est pas du tout. C'est pas forcément religieux, c'est aussi être convivial, être à l'écoute des autres et aussi à partager, surtout la fraternité. Moi, j'ai toujours connu, depuis 10 ans que je marche, une fraternité extraordinaire. Et d'ailleurs, ça m'a métamorphosé ma vie grâce à ce pèlerinage. J'ai changé ma vie pratiquement à cause du chemin. J'ai rencontré la plupart des hommes aussi qui font le chemin. C'est souvent après une séparation. Après des ruptures amoureuses. J'en connais un qui a rencontré d'ailleurs chez moi, qui sont revenus, que j'ai invité quand ils sont revenus, qui ont eu la chambre nuptiale, la chambre de ma grand-mère, gratuitement, parce que c'est des cadeaux aussi le chemin, et c'est des cadeaux qui se font, que je peux faire aussi. Oui, il y a des couples, mais le chemin, c'est le chemin, mais c'est la vie aussi, parce que dans la vie, c'est ça aussi, mais avec pas un sac à dos, avec une maison, avec un quotidien, avec d'autres problèmes. Et voilà, le chemin, c'est aussi la vie. Il y a de la vie partout. Voilà. Tu t'es installé ici à cause du chemin? Ben oui, parce que quand la troisième fois en tant que pèlerin, je suis passé là. Et ben, hola, you come from the country? From Austria. Österreich, guten Tag. Servus. 11 Kilometer noch bis Ronzewalles. Jawohl, hein? Dank. 3 Stunden. Hein, ungefähr, oder 2,5, wenn du gut. Da geht es noch ein bisschen hoch, ne? Ja, ein bisschen. Hein? Okay. Allez, servus. Schönen Tag noch. Ja, tschüss Gott. Voilà, alors tu vois, et grâce à ça aussi, j'arrive à parler plusieurs langues. Bah oui. Et pour moi, il m'apporte beaucoup. Et quand je suis passé en tant que pèlerin 3 fois ici, je me suis dit, ici, il manque quelque chose. Et le jour où je suis parti à la retraite, j'ai commencé ici à m'installer. Et actuellement, eh bien, j'ai beaucoup de remerciements du monde entier, c'est extraordinaire, parce que surtout cette porte-là est prise en photo par le monde entier, puisque tout le monde regarde à cette porte, tout le monde est là, ils sont là en train de regarder, ah ah oui, ce pays et ça. Et naturellement, quelqu'un qui vient de très loin, comme Venezuela, est content de voir quelqu'un qui est passé ou qui est passé. Qui est Venezuela, dire, lui aussi. Alors oui, il n'est pas loin. Et j'arrive à... Il me demande, mais il y a longtemps qu'il est passé, je voudrais le voir et tout ça, tu vois. Alors, ah, c'est, oui. Ça, c'est ça aussi, tu vois. Et après... le pèlerinage, après, bon, il y a de toutes formes, hein, pèlerinage, hein, il y a des gens qui font le pèlerinage de 3 jours, 4 jours, la coquille plus grande que le sac à dos, mais il faut de tout pour faire un monde. D'autres, après, c'est vrai qu'aujourd'hui, le chemin, c'est un peu commercial. Mais il y a beaucoup de gens qui y vivent, parce que tu verras, quand tu passeras en Espagne, tu auras des villages, là où le chemin passe, il y a une certaine richesse dans le village, et là où il ne passe pas, c'est des villages à l'abandon. Surtout dans la meseta. Et là, on voit quand même que le chemin apporte quelque chose aux personnes. Ouais, le pèlerin, il n'y en a plus. Il n'y en a plus des pèlerins, là, c'est ça. C'est des touristes, maintenant. Qu'est-ce que tu entends par pèlerin? Ah ben, un pèlerin, c'est quoi un pèlerinage? Ici, on est dans un pèlerinage catholique. Personne ne sait ce que c'est que plus personne ne sait ce que c'est que la Compostela. Ouais. La Compostela, c'est une indulgence. Hein. Tu vas à Santiago pour demander le pardon, ouais. À l'église. C'est ça, un pèlerin. C'est quelqu'un qui est en pénitence, qui va demander le pardon. L'Osman de Saint-Jacques, ce qu'on appelle l'Osman de Saint-Jacques aujourd'hui, c'est un avec toute cette histoire de crédential, Compostela, machin, patacoufin, c'est pas si vieux que ça, hein, c'est 1500. Mais maintenant, ce chemin, il a toujours existé. Mais ce qu'on appelle l'Osman de Saint-Jacques, c'est la conversion de l'Espagne au catholicisme. Hein. Moi, j'avais une ferme en Haute-Loire, pareil, à restaurer, j'avais de la terre, ici j'ai pas de terre. Et je sais pas, un jour il y a une fille qui est passée avec un sac à dos, machin, patin coupin, coquille Saint-Jacques, elle venait de Suisse. 3 jours après j'ai fait le sac à dos, je suis parti, j'ai dit chef, tout. J'avais pas d'argent, j'ai... T'as laissé la ferme avec les chèvres. Ouais, et je suis jamais revenu. Et t'es jamais rentré en France ? Non. Si, depuis Saint-Jacques, j'ai 4 fois aller-retour. Entre-temps, je me suis posé sur le chemin de Saint-Jacques à Conques. Ouais. À l'abbaye de Conques, je suis rentré à l'abbaye, 4 ans. Le chemin de Saint-Jacques en Espagne, pour un Espagnol, c'est quelque chose de très important, hein. Et le pèlerin, c'était quelqu'un de sacré. Hein. Le pèlerin, il y a 20 ans, c'était... Et surtout le pèlerin étranger qui venait de loin. Même si je suis français, si j'ai passé 4 ans à l'abbaye, bon, j'ai passé... J'avais 20 ans que je suis sur le chemin. 19. Sur le chemin des rencontres. Sur le chemin... des pensées qui nous traversent l'esprit. Les pensées d'hier, d'aujourd'hui, de demain, passé, présent, futur, qui nous trottent dans la tête. Quand on est sur ce chemin, on se demande vraiment ce qu'on y fait. On se dit stop, j'arrête, je prends le bus et je rentre. Ou on se dit waouh, qu'est-ce que je suis content d'être là. Je crois que c'est un peu la vie qui passe en accéléré ou au ralenti, où toutes les émotions nous traversent au cours de la journée. Les émotions de joie, de contemplation, des fois les émotions de pas de tristesse, mais de mélancolie. On est las, on veut arrêter. C'est un petit peu ce qui caractérise finalement le chemin. C'est que c'est un catalyseur d'émotions. Et un moyen de rencontrer des gens, d'échanger, partager sur ce qu'on vit et sur ce qu'on ressent. Beaucoup de gens à pied, là, en vélo devant nous, en train de pousser, parce que le chemin est escarpé et plein de pierres. Là, vraiment, on est dans une autre vie, là. Ce matin, il me le disait. Alors, on passait dans des paysages grandioses. Tu es au milieu des montagnes, tu as le soleil qui se lève, hein. C'est faramineux. Et lui, il me dit, putain, tu te rends compte de la chance qu'on a. On est heureux comme des rois. Regarde ça, les petits oiseaux, des lapins qui nous courent après. C'est énorme. Vraiment énorme. Tu te dis, mais putain, c'est ça la vie, quoi. C'est, C'était une autre fois, il me le disait. Des fois, il me sort des trucs, là, il m'estampe. C'est vrai, non, mais il est nature. Ouais. Il est nature. Alors, un jour, là, c'était dans un village du Pays Basque. On venait de sortir, on avait mangé sur la place du village, tu vois. Le restaurant, c'était la place du village, on avait mangé comme il faut. Et puis on repartait tranquillement au lit, tu vois, les mains dans les poches, un coucher de soleil superbe. Vraiment quelque chose d'extraordinaire. Il me dit, mais tu te rends compte, c'est mieux que les vacances. Et, non mais c'est vrai, c'est quelque chose de... T'es là, t'es dans l'extase, c'est vrai, c'est le cas de le dire, t'es dans l'extase, t'as le ventre plein. T'as pas de soucis dans ta tête. T'as pas de soucis de la vie. De la vie. T'as tout qui est beau. C'est une photo que t'as devant toi. Et tu, voilà, il me dit, tu te rends compte. Ça va faire bizarre d'arrêter le chemin. Parce que là, ça va être vide, du coup. Il paraît que c'est dur. Il y a un copain qui nous a emmené, qui nous a dit, restez sur le chemin le plus longtemps possible. Et depuis qu'il a été reconnu en 86, chemin... européen, chemin culturel européen, là par contre, depuis les années 95, ça commence lentement, toujours en augmentation. Donc tu vois tous les 5 ans une augmentation, enfin chaque année tu vois qu'il y a plus de monde oui, sur oui, le chemin. Oui, parce qu'en 2010 c'était une année sainte, ils pensaient que ça va avoir un monde de fou, finalement il n'y avait pas autant de monde, mais c'est en 2011, on a eu presque départ 40 000 personnes de Saint-Jean-Pied-de-Port. Sur le chemin, là, il y a 40 000 personnes Et cette année, encore plus, 2012. J'ai jusqu'à 280 personnes qui passent par jour, en mois de mai. Et en septembre, ça va être la ruée aussi, je pense. Mais voilà, c'est ça qui est intéressant, c'est le monde entier, c'est ça qui est super. Voilà. Différentes nationalités aussi sur le chemin. Des Français, beaucoup. Des Espagnols, beaucoup. Des Américains. En quatrième position, des Coréens. Des Australiens. Des Suisses, des Allemands, des Autrichiens, des Chiliens. Le monde entier se retrouve sur le chemin de Camino de Santiago. Et après, bon, après, tu vois, en 1970, est arrivé 68 pèlerins à Santiago. Dans l'année. En 1970 oui, 68 pèlerins. Je pense que depuis 86, où l'Europe a décidé que ce soit... où ils ont tout fait pour avoir que ce soit un chemin culturel européen. Et depuis 86, ça avance. Tous les 10 ans, ça a doublé, triplé, quadruplé. Mais depuis les années 2000, alors là, par contre, ça monte à vitesse grand V, tu vois. Et la route, là, a toujours été présente ? Depuis 62, elle est là, cette route. Les pèlerins autrefois ne passaient pas par ici, ils passaient par Saint-Michel, ils passaient l'autre côté de la vallée. Mais il n'y avait pas de route, ils passaient un chemin, et par contre il y a d'autres chemins. Hein. Au XIIIe, XIVe siècle, ils passaient par la Via Bayona, qui partait parce que le chemin, les pèlerins autrefois ne faisaient pas du tourisme. Ils allaient vers Santiago, au chemin le plus direct. Alors ils passaient par Bayonne, et quand ici ça ne passait pas, et bien ils passaient par le Via Bayona ou par le chemin du Nord, voilà, tu vois. Et autrement, c'est vrai que ici à peu près, tu as 40 000 personnes qui passent du 1er janvier au 31 décembre ici, parce qu'ils passent en hiver ici aussi. Alors tu vois des gens avec les chevaux, en âne, t'as des... Oui, j'ai eu des ânes, j'ai eu des familles entières avec les poussettes, l'année dernière j'ai eu une famille d'Australie qui venait avec des poussettes, chacun un enfant, ils poussaient la petite poussette avec leur enfant. Après, il y a un peu de tout, on voit de tout, de tout, de tout, de tout. Après d'autres qui sont déguisés en pèlerins du 18e siècle. Hein. Là, j'en ai eu un qui est passé, là, qui racontait à tout le monde qu'il a fait, qu'il a donné tout ce qu'il avait à Emmaüs. Mais bon, il est resté une demi-heure ici, j'ai entendu ça 10 fois, la même chose. Je sais pas, il n'était pas humble. Il a raconté à tout le monde qu'il avait fait ça, qu'il avait ci, et qu'il a tout donné, et qu'il vivait comme ça. Bon, bref, voilà. Mais il y a de tout. Il y a des Pink Floyd, il y a de tout, et des gens sympas. Il y a de tout. Non, c'est vrai, il y a de tout. Parce que c'est la vie qui passe. C'est la vie telle qu'elle est. Il y a des gens qui entendent des voix, et bon, alors, ils ont trouvé leur bonheur sur le chemin. De tout, de tout, de tout. Hein, les chemins sont différents, tous les hommes sont sur la voie. Oui, voilà, c'est ça. Oui, mais comme tu l'as dit, l'Espagne, non, c'est fait, c'est super. C'est super, tout est fait pour le pèlerin, c'est vraiment sympa. Et surtout, t'as des gîtes communaux, t'as du privé, t'as des hôpitaux, des accueils chrétiens, t'as de tout. Il nous reste combien de temps, là, avant l'Espagne ? Là, t'as trois... Avant le village étape ? Roncevaux, c'est 11 km. 11 km, 3 heures. Et en Espagne, tu as 1,5 km, tu as une pierre, ouais. 198. Et après, la fontaine de Roland, 2 km. Et le top, ici, le Alto Lepoder, est à 6 km. Donc 6 km, c'est le point culminant, et après, oui. On descend. 1428 mètres, voilà. J'ai une belle histoire. C'est un Allemand qui s'appelle Jürgen, qui est venu avec son chien, qui s'appelle Chica, et qui est venu donc avec son chien chez moi. C'était un... Il était muet. J'ai vu que son chien n'était pas bien et je lui ai expliqué, je lui ai dit que je trouvais que son chien n'était pas bien. Il est quand même parti avec son chien, c'était donc Chica. Et il est monté donc jusqu'à Orisson et son chien n'a pas pu suivre. Donc il est revenu chez moi, il est resté 8 jours chez moi, donc je l'ai hébergé gratuitement. Il a mis tout son argent, je pense qu'il n'avait pas beaucoup d'argent pour le soigner. Donc avec les vétérinaires, je l'ai amené donc tous les jours chez le vétérinaire. Et en fait, son chien était condamné. Voilà, il avait été piqué par des tiques et voilà. Et bien, il est parti donc avec son chien en train. Il est reparti donc en Allemagne. Et c'est quelqu'un dont j'ai plus de nouvelles et auquel je pense beaucoup. Et j'aimerais avoir des nouvelles. Voilà, Jürgen et Chica, voilà. Si tu prends un pèlerin qui a fait le pèlerinage en 90, il va te dire non, moi je ne passais pas dans cette ville, je passais là-bas. Voilà. C'est ça qui est. Ça a été récupéré. Quoi. Ouais, comme tu disais, c'est devenu mercantile de plus en assez plus. Assez mercantile. Le chemin est récupéré par les intérêts de certains. Ah oui, oui, oui. Ah mais non, mais c'est que ça. Hein. Ouais. Et puis, bon, je le dis ouvertement, je dis si ça continue, le chemin ne pourra être fait que par des riches. Voilà. C'est mal barré, comme on dit. Avant, c'était le pèlerin qui était à la charge de l'hôte, puisque c'était... Voilà, on recevait le pèlerin, on lui donnait à manger, on le faisait dormir, voilà. Maintenant, c'est l'inverse, c'est le pèlerin qui amène les sous à l'hôte. Regarde ailleurs. Regarde ailleurs. Regarde ailleurs. Regarde ailleurs. Regarde ailleurs. Regarde ailleurs. Partageons les couleurs et les différences. Voir, entendre, sentir, toucher. Regarde ailleurs, partageons les couleurs et les différences. Le voyage, chemin le plus court pour se découvrir soi. Le voyage, chemin le plus court pour se découvrir soi. Cette émission est proposée et montée par l'association Regarde ailleurs. Pour mieux nous connaître, rendez-vous sur notre site internet www.regardeailleurs.org.